bienvenue à votre podcast hebdomadaire du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy! Allô, allô, bienvenue au Lobster 23.0. Comment a été votre semaine? De mon côté, tranquille. Il m'est rien arrivé d'exceptionnel cette semaine. Seul événement notable, j'ai eu 45 ans. Et oui, 45 ans que je fais mon petit bout de chemin. Et pour l'instant, je croise les doigts, tout va bien, pas trop de bobos ou de morceaux qui lâchent. Donc, je vais souhaiter que ça continue comme ça. Mais pour l'intelligence, je pense que ça descend. Cette semaine, je me suis acheté un nouveau clavier et souris sans fil pour mon ordi de salon. Comme j'ai cassé l'écran de cet ordi, je le branche sur la télé. Mais ça m'oblige à l'utiliser avec un clavier sans fil et souris sans fil. Et cette semaine, le clavier a lâché. Je suis donc allé en racheter un autre. Et rendu à la maison, le clavier marchait bien, mais pas la souris qui venait avec. Sur la boîte que j'avais, c'était inscrit « boîte ouverte ». Bon, je me suis dit « pourquoi t'as pris la boîte de retour et qu'il y avait de quoi te briser dedans ?» Donc, je l'ai rapporté chez Bureau en gros. Et cette fois, j'ai pris une boîte intacte. De retour à la maison, je remets les batteries dans tout ça et le clavier marche, mais la souris, non. Toujours brisée. Cette fois, j'ai eu un doute. Je me suis dit, c'est vraiment une mauvaise batch de produits, ou bien, comme ça arrive souvent en informatique, c'est un code 22. Je me suis dit que le problème venait de la personne assise derrière le clavier. Et effectivement, en faisant des vérifications d'usage, je me suis rendu compte que j'avais juste mis la batterie à l'envers, comme dans l'autre que j'avais rapporté. Donc c'est ça, 45 ans, mais en déclin certain. Sur un tout autre ordre d'idées, cette semaine, j'ai découvert une courte série de télévision que j'ai tout écouté. Du moins, les épisodes qui sont sortis. C'est la série Léo, écrite par Fabien Cloutier. C'est très divertissant. Pour ceux qui ont vu les premiers spectacles de Fabien Cloutier, Scott Town et Cranbourne, vous allez reconnaître dans la série des personnages comme Chabot et Poulia. Donc, Fabien a été pigé dans son univers humoristique et théâtral de personnages pour construire l'univers de cette série. Et les comédiens qui jouent dans la série ne sont pas à piquer des verres. Marc Labrèche, Anne Dorval, Julien Poulin et Fabien qui est parfait dans son rôle de Léo. La série suit donc l'histoire du personnage de Fabien, Léo, qui dans la quarantaine n'est toujours pas casé et décide de faire ce qu'il faut pour avoir un travail stable et une blonde. Je vous en dis pas plus, il faut l'écouter pour en retirer tout le plaisir. C'est des épisodes de 20 à 25 minutes, donc ça s'écoute assez rapidement. C'est disponible sur les plateformes de Vidéotron. Je crois, car moi je l'ai trouvé en téléchargement. C'est écrit que c'est disponible dans le club Illico, donc j'imagine que c'est le poste 900 ça. Moi j'ai écouté les 10 premiers épisodes qui sont sortis et j'attends déjà le prochain avec impatience. Donc une belle petite série humoristique et juste assez touchante à écouter durant vos vacances de Noël. Si vous aimez Fabien Cloutier et que vous avez Canal D, j'ai aussi attrapé cette semaine son spectacle Assume. C'est très bon, Fabien est un bon conteur d'histoire. Voilà, on écoute un petit extrait de Léo pour vous donner le goût. Faut fêter ça. Qu'est-ce que c'est ça? Kombucha. Es-tu malade? J'ai viré une brosse à ça en 2002. Le lendemain matin, j'étais tellement magané, la gang à Pouljot m'a dessiné un gros bat avec un sourire, avec des étampes à bingo sur le chest. Pas de la sambuca, du kombucha. Plein de vertus là-dedans. C'est bon pour les allergies, le transit, le cancer, la calvitie, m'en manque un. Sclérose en plaques. À l'amour. À l'amour. Tu bois pas, papa? Moi, quand ça broute puis que ça a des noms de karaté. Aujourd'hui, la fumée d'incendie a jauni le ciel et rougi le soleil. Les étoiles du nord nous rappellent la mort et tu m'appelles encore. Tu dormais sur le banc tandis que je conduisais et j'espère ne jamais arriver. Regarde les étoiles. Tant qu'il y aura des étoiles sur le bord de la route, nous devrons nous millionnaire, amoureux, milliardaire, vagabond, millionnaire, amoureux. Le temps passe et un jour on est vieux et puis seul et rien ne reste plus que la fierté d'avoir aimé correctement ou la honte et les tourments de ne pas avoir compris. Attends, attends, j'ai quelque chose à te dire. Sur le bord de la route, nous pourrons nous arrêter tant qu'il y aura des rivières. Nous pourrons nous baigner et que plus jamais rien ne redoute notre destin que celui du doute. Jamais je n'oublierai les étoiles sur la route de Toronto et ce jour sur cette plage du lac Ontario. Millionnaire, amoureux, milliardaire, vagabond, millionnaire, amoureux. Le week-end passé, j'ai procédé à un gros vernissage de mes toiles. J'étais allé m'acheter un galon d'époxy et j'ai verni 4 toiles. Bon, j'aimerais vernir ma série de 10 toiles au complet avec de l'époxy, mais c'est trop coûteux. Faire 4 toiles de 4 pieds par 3 pieds m'a coûté 120$ d'époxy. Évidemment, pour quelqu'un qui vend ses toiles, c'est rien. Mais comme je garde tout ou donne mes toiles, je dois faire avec mon budget. J'en ai donc fait 4 pour l'instant. Les autres ont quand même une couche de vernis standard, mais l'époxy rend toujours plus beau. Une couche d'époxy équivaut à environ 55 couches de vernis, selon ce qui est écrit sur le pot. Et avec ça, mes 4 toiles sont donc devenues ultra brillantes, comme des miroirs. Et ça donne de la profondeur aux couleurs, vu que la couche de vernis est épaisse. Donc, c'est pas mal beau. Là, il me resterait qu'à prendre des photos et préparer mon portfolio. Je vais essayer de faire ça au plus vite, car je me connais. Si je veux aboutir avec mon projet d'exposer le tout à quelque part dans un musée, je suis mieux de pas perdre de temps, car je suis déjà reparti dans le projet d'une nouvelle toile dans un autre style. Donc, il faut que j'aboutisse ce projet au plus vite. Poisson, poulet, beefsteak et tomates n'ont pas besoin de patates quand vous servez les bonnes nouilles sauce de Lipton côte à côte. C'est juste 5 minutes du four au plat. Nouilles sauce, un goût extra. Préparez vite les bonnes nouilles sauce de Lipton côte à côte. Waouh! De parler d'époxy vient de me remettre la fermeture des magasins Target en mémoire. Comme vous savez, j'aime profiter des bonnes affaires, des marchés aux puces ou de toute vente où j'ai l'impression de faire un bon deal. Et quand les magasins Target ont fermé au Québec, un soir de semaine, je me trouvais à Lévis. Mon employeur m'avait envoyé travailler là pour je sais plus quelle raison, mais ça importe peu pour l'histoire. J'étais donc un soir de semaine à Lévis avec pas grand chose à faire après le travail. Et comme toujours, j'avais pris une chambre au centre des congrès de Lévis, car j'aime aller dans leur piscine extérieure, et le restaurant dans le salon des congrès est délicieux. C'est le restaurant Le Cosmos, un resto décoré de plein de couleurs vives et où le menu varié contente un peu n'importe qui. Donc le soir, j'étais déjà allé faire mon tour dans la piscine extérieure, et je me suis décidé d'aller faire un tour chez Target pour voir les spéciaux, et c'est là que j'ai rencontré le responsable qui était en train de sortir du stock de l'entrepôt pour le vendre. Mobilier, rack, palette de produits, tout ce qu'il y avait dans l'entrepôt était entré sur le plancher à l'intérieur pour être vendu. Et en parlant au grand bobo, il m'a parlé d'une palette de peinture. Une palette de pots de peinture déjà ouverte avec des galons d'époxy. Quand il a su que ça m'intéressait, il l'a fait entrer tout de suite en magasin. Sur la palette, il y avait des gros 5 galons de peinture rouge Target. Aussi, plein de couleurs blanches et autres couleurs dans les tons de brun qui avaient servi à peinturer le Starbucks qui se trouvait dans le Target. Donc, des couleurs que je trouvais pas trop moches. Immédiatement, j'ai pensé au chalet, que ça pourrait nous faire plein de peinture pas chère pour peinturer nos murs. Donc, j'ai acheté la palette de peinture pour 50$, en me disant que je faisais l'affaire du siècle. Bon, pour l'affaire du siècle, on repassera, c'était plus dans ma tête, mais bon. Comme j'étais à Lévis et que je dormais au centre des congrès, je pouvais pas vraiment ramener ça dans ma chambre. Ça fait plutôt louche de transporter une 50aine de pots de peinture dans sa chambre d'hôtel. Et comme c'était l'hiver, la peinture aurait gelé si je l'avais laissée dans mon auto. J'ai donc appelé mon frère qui habite Québec. Je lui ai expliqué la situation, car j'avais bien sûr déjà acheté la peinture. J'ai donc fait un premier voyage de peinture chez lui, et il est ensuite revenu avec moi dans leur VUS à eux pour qu'à deux autos, on soit capable de tout ramener. Mais lors du second voyage, lorsque mon frère a vu les autres choses en vente, on a décidé d'acheter une palette d'essuie-tout industrielle. Il devait bien y avoir 16 grosses boîtes contenant chacune des dizaines de boîtes d'essuie-tout industrielles. Ça, c'est du gros essuie-tout bien solide puis bien épais. Selon nos calculs, chaque boîte d'essuie-tout nous revenait à 25 sous la boîte. Une aubaine quand on sait qu'une seule boîte se vend quelques dollars. Donc, on en avait pour plusieurs centaines de dollars en boîte d'essuie-tout. On a donc embarqué ça dans nos autos et ramené ça chez lui avec ma belle-sœur qui était heureuse de nous voir remplir son sous-sol avec de nouvelles cochonneries. Bon, il me reste encore des 5 gallons de peinture rouge Target chez moi. J'en utilise parfois dans certains projets de peinture. Pour le reste, on l'avait amené au Saguenay chez mes parents pour l'utiliser au chalet. Mais je me souviens pas ce qu'on a fait de la cinquantaine de gallons de 4 litres de peinture. On en a utilisé, on en a donné et le reste a fini à la récupération. Donc j'imagine que le 50$ déboursé pour la palette de peinture a sûrement été remboursé au passage. À la fin, le reste des gallons ont fini au centre de récupération de la ville. Pour les essuie-tout, on en a tellement que mon frère les utilise dans la maison chez lui. Il n'a pas racheté d'essuie-tout normal depuis cet achat qui date de quelques années déjà. Et moi, je trouve que c'est très pratique dans le garage. J'utilise ça dans tous mes projets artistiques pour nettoyer ou autre. Mais j'ai encore plein de grosses boîtes dans mon cabanon. Donc j'en ai pour quelques années encore avant de passer au travail. Pour moi, ce genre d'achat extraordinaire, souvent fait sous le coup de l'émotion, me procure toujours beaucoup de plaisir. Souvent, c'est juste d'être à la bonne place au bon moment. Donc je vous invite, quand vous voyez des choses comme ça en spécial ou en liquidation, à pas hésiter. Le truc, c'est toujours de se faire faire un prix de gros. Si j'avais acheté à l'unité, j'aurais probablement dû payer 10 fois le prix. Mais comme tu te fais faire un prix de gros, pour la palette par exemple, c'est toujours extrêmement moins cher. Surtout que dans ce cas-là, j'avais vite compris que c'était les derniers jours de la liquidation et qu'on pouvait faire descendre le prix assez bas. Bon, je cesse avec ça, je sais que c'est pas tout le monde qui prend du plaisir à barguiner et à acheter des cochonneries. Car oui, je dois l'avouer, j'achète pas toujours des choses que j'ai vraiment besoin. On écoute un chip tune. Il me semble que j'ai manqué à mon devoir durant les derniers Lobsters. J'ai oublié d'en faire jouer. C'est important, les chip tunes sont souvent des mélodies qui rendent heureux. On en écoute un petit 5 minutes. on a fini de lire L'hostie de chat, cette semaine, on va se faire une petite lecture de quelque chose de plus court. Mais avant, je vous parle de mes derniers achats. Je me suis acheté des vieux livres de Picot. Bon, Picot, ça vous dit probablement rien. Et à moi non plus. Enfin, je suis tombé sur une vieille édition française d'un héros de cartoon. Vous allez peut-être le reconnaître avec cette petite musique. Bon, certains l'auront peut-être reconnu, Picot le Pivert, c'est Woody Woodpecker, Woody le Pic au Québec. J'écoutais les émissions quand j'étais plus jeune, puis quand j'ai vu ce livre dans la section BD chez Renaissance, je ne l'ai pas reconnu au départ, car c'était une vieille édition française des années 60 où il s'appelait encore Picot le Pivert. Mais en prenant le temps de regarder, je l'ai reconnu et je suis reparti avec. Et le lendemain, il y en avait rajouté une autre dans le rack à BD que j'ai aussi acheté pour 1$. J'ai lu la première et j'ai bien aimé, mais bon, faut être mordu de ces vieilles affaires-là, où on n'avait même pas le droit à la couleur dans toute la BD. Non, 2 pages en couleur suivies de 2 pages en noir et blanc. Je suis rendu que je fais une place particulière dans mes bibliothèques pour tous les vieux numéros aux choses spéciales que je trouve. Ça me fait plaisir. Et la boutique de dons font souvent mon plaisir. J'arrête pas de tomber sur des vieilles BD ou des vieux livres. Et souvent, je remarque que quand on recule, le politically correct n'existait pas. Je vous en ai déjà raconté que dans les vieilles BD de Popeye, un des sujets était qu'Olive n'arrêtait pas de boxer Popeye, qui lui hésitait à la frapper. Et j'ai aussi dans mon armoire de livres l'origine des livres de Scout, un vieux livre de la fin des années 1800 qui se nomme Boy Handy Book et qui spécifie bien que certaines activités comme attraper et nourrir des grenouilles sont réservées seulement aux garçons. Donc, c'est drôle de lire ces vieilles affaires-là. Moi, ça me fait sourire en tout cas. Hey, je viens de tomber sur la bande-annonce du film Mortal Engine ou Mécanique Fatale au Québec. C'est le nouveau film d'aventure produit par Peter Jackson et inspiré du roman du même nom de Philip Reeve. Ce film il sort le 13 décembre, donc vous aurez juste le temps d'écouter ce Lobster avant d'aller le voir. Je vous lis le synopsis et après, je vous fais écouter la bande-annonce de ce film qui avait un petit budget de 100 millions de dollars. Dans un futur lointain où les cités montées sur roues se pourchassent, affamées, la ville de Londres, l'immense Locomopole est en quête de nouvelles proies. La jeune Esther Shaw, elle, est tenaillée par une autre fin, la vengeance. Accompagnée de Tom, un apprenti historien, parviendra-t-elle à retrouver l'assassin de sa mère? Un incroyable monde post-apocalyptique où les villes s'entre-dévorent pour survivre. Donc, je vous fais écouter la bande-annonce. Dedans, ce qu'on voit, c'est qu'on voit les villes qui roulent sur des grosses, comme des tanks, là, ils ont des grosses roues avec des chenilles. Donc, je vous conseille d'aller le voir sur YouTube, ça vaut la peine d'être vu. Mais vite comme ça, moi, ça me fait penser tout de suite à la série de livres dont je vous ai déjà parlé, la plus longue série de science-fiction, La Compagnie des Glaces, dans laquelle les villes sont obligées de rouler en permanence sur des voies ferrées. Donc, ça semble être un peu dans le même style. Donc, c'est peut-être que l'auteur s'est inspiré de La Compagnie des Glaces. Donc, on écoute la bande-annonce. Qu'est-ce que c'est? Ça? C'est Londres. Une heure, c'est tout ce qu'il a fallu pour conduire l'humanité au bord de l'extinction. Les peuples se sont relevés. Une nouvelle ère est née. Celle des cités prédatrices. La loi du plus rapide. Ici, ce qu'on voit, c'est une fille qui s'en vient pour poignarder quelqu'un. Attention! Valentine. Ça, c'est pour ma mère. Là, ce qu'on voit, c'est que le gars qui a dénoncé la fille, il la poursuit. Puis là, elle se tire comme pour tomber dans quelque chose qui est évacué de la ville. Il la tient par la main, puis là, elle se lâche pour tomber là-dedans. Puis le gars qui a été poignardé, il arrive, puis il va pousser le jeune homme aussi. Demande-lui pourquoi il a tué ma mère. Non! Dommage que tu aies entendu ça. Esther Shaw, elle fera tout ce qu'elle peut pour me tuer. Sauf si vous la tuez avant. Retrouvez-les! Là, on voit que les deux évadés sont secourus par un Asiatique habillé comme Keanu Reeves dans la Matrice, mais tout en rouge, qui vient les secourir dans un véhicule volant et les amène dans une genre de ville qui flotte. Ça faisait longtemps que je te cherchais. Ta mère avait fait une découverte dangereuse. Elle avait peur de Valentine, de ce qu'il en ferait. L'homme qui contrôle ceci contrôle le monde. Elle m'a dit que tu pouvais l'arrêter. Cette arme est capable d'anéantir la plus grande cité en un clin d'œil. Il faut la neutraliser. Rien ne peut lui résister. Nous devons arrêter Londres avant qu'elle nous détruise. Tu es sûr que tu veux y aller? Une fois entré, on ne pourra plus reculer. Il le faut. Voilà, ça me semble un bon film. Je vais sûrement l'écouter dès que je peux le télécharger. Il semble y avoir toute la recette des films américains là-dedans. Une jolie fille, un beau gars, qui sont pognés pour s'endurer et qui vont devoir sauver le monde. Et qui sûrement, la recette est toujours la même, vont réussir et vont s'embrasser à la fin. Voilà pour Mécanique fatale. Cette semaine, comme c'était ma fête et que mes parents m'avaient envoyé un cadeau, je suis allé le dépenser. Je suis allé chez Renaud Bré et je me suis acheté des BD neuves, dont le dernier Yoko Tsuno, le tome 28, et le dernier Blake et Mortimer, le tome 24. Blake et Mortimer, c'est toujours bon, de longues histoires avec beaucoup de textes, mais c'est 27$ la BD. Ouf! J'ai aussi ramassé le dernier Lucky Luke, un cowboy à Paris. Celle-là, je l'ai offerte à mon plus vieux garçon, qui aime Lucky Luke. J'ai hâte de savoir si c'est bon, vu que j'ai un doute. Comme je vous disais, la dernière fois que Lucky Luke est sorti de son Far West, c'était pour l'album où il venait au Québec et l'histoire avait été plutôt moche. Donc, à suivre, je vous dirai si c'est bon. Aussi, pour mon plus jeune garçon, j'ai acheté une toute nouvelle série de BD. Ben, c'est le premier tome, en fait, qui s'appelle Flacon et Baston. C'est tout nouveau, tout frais. C'est une histoire de héros de Donjons Dragons. Dans la première page, c'est comme le début d'un jeu, où on nous présente les personnages et par la suite, les héros commencent leur aventure. Les images sont très belles, mais reste à voir si l'histoire est bonne. Il m'a semblé que oui, quand je l'ai feuilleté rapidement sur place, les héros semblent avoir été rapidement en problème et avec les pieds dans l'acide d'un donjon, ça n'a pas été long qu'ils se sont mis à chialer. Donc, cette BD est dessinée par la dessinatrice qui a fait les donjons de Nabblebuck, donc c'est très beau. Donc, à suivre aussi quand mon garçon m'aura donné ses commentaires, mais ça semble être un bon cadeau pour les bonnes Noël si vous cherchez une idée. Au retour du Renaud Bré, je suis arrêté chez Renaissance, où je vais quasiment tous les jours, et j'ai trouvé un livre de Schtroumpf aussi que j'avais pas, le Schtroumpf Reporter, et dans leur section vintage, où ils mettent les choses un peu plus chères, il y avait un vieux numéro de Mickey. Le numéro 15, c'est un gros recueil comme les gros Spirou qui contient plusieurs volumes et histoires, mais ils le vendent 25$. Bon, comme je venais de dépenser 100$ en BD neuve, je ne l'ai pas acheté, même si j'aimerais bien le lire. Mais s'il reste là un petit bout de temps, je vais sûrement l'acheter le mois prochain. Une fois par mois, il y a la vente où tout est à 50% pour ceux qui ont leur carte de membre, donc je l'achèterai à moitié prix s'il reste sur la tablette ou si je ne l'ai pas acheté d'ici là. Là, ça fait déjà deux soirs que j'arrête et à chaque fois, je le feuillette. Donc, jamais 203. J'imagine que demain, je vais peut-être me laisser tenter. Donc, c'est à suivre. Sur ton lit d'hôpital, ton visage est si pâle, ton visage est si pâle. Je sais que maintenant l'issue sera fatale, l'issue sera fatale. Alors je prends ta main qui chatise, consolait mes peines, mes chagrins. Lorsque j'étais gamin, et ta main dans la mienne, j'attends que la mort vienne. Et ta main dans la mienne, j'attends que la mort vienne. Depuis des jours déjà, tu n'en reviendras pas, tu ne reviendras pas. Je pense toujours heureux à la vie d'autrefois, la vie d'autrefois. Je te parle tout bas, même si tu ne m'entends pas. Et ta main dans la mienne, j'attends que la mort vienne. Et ta main dans la mienne, j'attends que la mort. Devenir la sœur, même si je n'y crois pas, même si je n'y crois pas. Mais je sais que pour toi, ça avait un sens parfois, ça avait un sens parfois. Et ces quelques paroles me réconfortent toutefois. Apaise le calvaire que l'on vit toi et moi. Et ta main dans la mienne, j'attends que la mort vienne. Et ta main dans la mienne, j'attends que la mort vienne. C'est l'heure du requiem. Bon, cette semaine, je suis tombé sur le 7 jours et autres revues de potinage à l'épicerie. Je suis toujours curieux de savoir ce qu'il y a là-dedans, mais jamais je dépenserais mon argent pour ça. Je regarde juste 2 secondes quand j'attends pour payer. Mais avec Internet, clic, clic, clic, pouf! Je viens d'obtenir, pour le bien du Lobster, les fichiers PDF du 7 jours, dernière heure et éco-vedette. Bon, j'avais eu du plaisir à lire et à faire la chronique de la revue du Bel Âge avec vous dans un Lobster précédent. On se fait donc une petite séance de voyeurisme dans ces revues-là pour voir ce que ça contient. On va vérifier si on en aurait pour notre argent d'acheter ça. Je promets pas de passer au travers des 3 dans ce Lobster, car je veux pas me briser les yeux là-dessus. Mais commençons au hasard par le 7 jours du 7 décembre. Yeah! Yeah, baby! Yeah. Bon, la page couverture est quand même jolie. C'est Penelope McQuaid. On apprend qu'elle fait le point sur sa vie. C'est donc ça le gros sujet de la revue. Page suivante, de la pub. Une page complète qui parle des spectacles qui s'en viennent au centre Vidéotron et qu'on nous suggère grandement de donner en cadeau. Bon, je sais pas si on a des lobsters qui nous écoutent à Québec, mais en vrac, à défaut d'avoir un club de hockey, vous aurez la visite en 2019 de Muse le 31 mars, Kiss le 2 avril et Iron Maiden le 7 août. Et pour ceux qui aiment la musique d'ascenseur, il y a aussi Richard Abel qui vous visitera le 19 octobre. Il fait un petit peu pitié sur la photo, on dirait qu'il y a un vieux veston cheap. Mais bon, si certains vont le voir, ça pourrait être une bonne idée de passer au village des valeurs avant et de lui trouver un nouveau veston et de lui apporter. Gardez votre facture, je vous rembourserai si vous en trouvez un. Pour votre info, il semble aimer les vestons dans les tons pastel clair, donc ça serait pas une mauvaise idée d'ajouter de la couleur dans sa vie. Donc un veston avec une jolie couleur foncée lui redonnerait probablement vie. Page suivante, encore de la pub. Cette fois, c'est pour le nouvel album de Natacha Saint-Pierre. Aimer, c'est tout donner. Bon, j'ai pensé vous en faire jouer un bout, mais j'ai été écouter un bout de son nouvel album sur YouTube et je peux pas faire ça à notre podcast. J'ai des goûts qui, je le dis sans gêne, sont variés, mais j'ai des limites. Donc, comme je ne confonds pas varié avec avarié, on laisse l'écoute de Natacha Saint-Pierre et de Richard Abel à d'autres podcasts. Désolé. Yeah, baby! Yeah. Si je tourne la page suivante du 7 jours, ben je dis tourner, mais je fais semblant car moi je tourne pas vraiment de page, c'est plus clic-clic vers le bas, car la revue est ouverte dans Adobe Reader, ce fameux logiciel qui veut toujours se mettre à jour. Donc, page 3, un premier commentaire intéressant. Il y a Guylaine Gay, je sais pas trop c'est qui, sauf que c'est une fille, et elle aurait dit sur Twitter: Cher Fabien Cloutier, j'ai écouté Léo en rafale. Drôle, tendre, vrai, c'est bon. Bon, moi j'ai pas Twitter, Instagram ou autre chose du genre, juste Facebook, et je vous l'ai déjà dit dans ce Lobster que c'était bon Léo, donc de le relire dans le 7 jours, c'est inutile. Vous le saviez déjà. Moi, je vous le dis gratuitement, donc ici la revue gagne pas de points. Page 4, c'est le sommaire, ça va mal. On a 4 pages de fête et pas grand contenu. Page 5, suite du sommaire, coudon. Mais ça annonce quand même que la revue est interminable. Elle en a des pages de potinage. page 6, ça parle du film La course des tucs. Ouf, je commence déjà à être tanné de cette revue. J'ai l'impression que c'est une grosse publicité. On veut nous envoyer voir le film des tucs. Dans l'autre page, on nous dit que Sylvain Cossette a vendu 50 000 billets de son nouveau spectacle. Natacha Saint-Pierre et son nouvel album plus tôt. Tout est orienté pour vendre de quoi. Pour l'instant, j'ai le mot vide en tête. C'est vide d'informations. Mais ça, c'était avant d'arriver à la page 8. Enfin, la revue prend son envol. Il y a une jolie photo de la chanteuse Kathleen qui nous annonce son retour pour février. C'est le genre de nouvelles que je m'attendais d'avoir dans cette revue. Kathleen, qui est très jolie et qui dit que son album « Je t'attendrai » sortira en février et qu'elle travaille parallèlement pour un designer québécois. Bon, même si je terminais la lecture ici, on aurait au moins appris de quoi. Mais je continue, je suis sûr que le meilleur est à venir. Page 10, une jolie photo de Peter McLeod avec les cheveux longs qui, d'après la photo, a l'air de vouloir rentrer dans une commune des années 70. Je valide dans le texte, non. Un long texte vide pour comprendre que sa blonde lui a simplement demandé de se laisser pousser les cheveux. Écoutez, je vous propose un marché. Gardez votre mojo ainsi que votre pognon. Et en essence, je veux le bébé. C'est cela. Je veux mon bébé, mon bébé, mon bébé, mon bébé, mon bébé mijoté à la crème. Je veux mon bébé, mon bébé, mon bébé, mon bébé, mon bébé mijoté à la crème. Ensuite, on arrive sur les 6 pages sur Penelope McQuaid. C'est quand même bien, c'est la grosse entrevue de la revue. Mais plus intéressant encore, dans les pages qui suivent l'entrevue, on parle avec Anne Dorval qui dit qu'elle est contente d'avoir joué dans la série Léo. Elle dit que son personnage de la mairesse du village, qui en plus d'être coiffeuse, est un cadeau comme personnage. Je vous lis pas l'entrevue pour pas vendre de punch sur la série, mais sinon, on apprend qu'Anne Dorval travaille en ce moment à temps plein sur le bye-bye de fin d'année. Ensuite, pour ceux qui aiment Gino Chouinard, vous allez apprendre que son premier travail était planteur d'épinettes dans une forêt en reboisement. Après s'être perdu dans la forêt et avoir été secouru et abusé par un Sasquatch, il est devenu gardien de piscine pour la ville de Woburn et après s'être noyé dans la piscine, il a sûrement ouvert un chocolat favori dans cette ville. Bon, vous comprenez que je résume et extrapole un peu ce qu'on peut lire dans l'article. Donc, je vous demanderai de ne pas m'en vouloir si les faits que je vous relate sont pas précis à 100%. Mini-moi? Mini-moi? Où es-tu? Ce serait pas possible de l'équiper d'une foutue clochette? Ah, t'es là! Apportez vite un crochet! Bon, par erreur, ou parce qu'il n'y avait rien d'intéressant dans les pages suivantes, je me suis ramassé à la page 50, où se trouve la section « Recettes ». Pour les intéressés, on peut y trouver une belle recette de galettes au chocolat qui ont l'air sec et pas mangeables, et sur la page suivante, un genre de pain au bleuet et graines de tournesol qui doit donner mal au ventre comme ça se peut pas. Donc, c'est évident que les recettes, c'est pas le fort de cette revue, mais c'est pas grave, il y a le site de Ricardo en ligne pour de bonnes recettes, on n'achète pas le 7 jours pour des recettes. Non, nous ce qu'on veut savoir et que le 7 jours devrait nous dire, c'est qui s'est brûlé en cuisinant. Alors que j'étais sur le point d'abandonner cette chronique du 7 jours, je me suis fait accrocher avec leur idée de sortie pour Noël. Qu'est-ce que ça dit de faire pour Noël? 1. Aller passer Noël dans un parc de Montréal où il va y avoir des petits chalets. 2. Aller voir un spectacle de Noël de Michel Louvain. Encore mieux. Et troisièmement, pour les gens au Saguenay, aller visiter le parc thématique Milieu de la colline. Mon choix? Je choisirais clairement le parc thématique. Pour votre info, c'est un gros parc avec des glissades ou des patinoires en hiver. J'y suis déjà allé quelques fois avant que ça soit rénové et transformé en parc thématique. J'y étais au moins allé une fois avec l'école et c'était dans le temps que les jeux pour enfants n'étaient pas tout à fait sécuritaires. Je me souviens que j'étais embarqué dans un simulateur d'accident. C'était comme un mini manège pour te montrer c'est quoi l'impact d'une collision. Tu t'assoyais dans ce qui ressemblait à un devant de voiture. Tu mettais une ceinture, ce qui pour l'époque devait être encore optionnel, et ça te levait à 3 pieds dans les airs et te lâchait. Et une seconde après, tu faisais boum en recognant le sol. C'était ça le manège. Et tu sortais de là avec soit un mal de dos ou un mal de cou si tu t'étais tenu trop raide. Je sais pas s'il y a des statistiques sur le nombre d'enfants qu'ils ont blessés dans ce manège, mais il me semble que ça s'appelait le parc de la sécurité routière dans le temps. Un nom très mal choisi pour le nombre de blessures qu'ils infligeaient à leurs visiteurs. Fin de l'anecdote et retour à notre séjour où j'arrive proche de la fin et qu'on tombe sur des questions qu'un journaliste du 7 jours ont posées à l'humoriste Cathy Gauthier. Quand as-tu cessé de croire au Père Noël? Vers 5 ans, mes frères qui étaient plus vieux m'avaient vendu le punch assez vite. As-tu une tradition du temps des fêtes? Faire un sapin. On apprend aussi qu'elle le fait le 23 décembre et le défait le 2 janvier, donc ça ne traditionne pas trop longtemps chez elle. Ton plus beau souvenir, Cathy? C'est l'année dernière, j'étais enceinte d'Alice. Cette année, Noël sera-t-il spécial pour toi? Oui, car Alice est là. Avoir un enfant a-t-il changé des choses? Oui. Sais-tu moi ou ça tourne en rond avec ces questions? Bon, nous, on fait un bond dans la revue et un peu plus loin, il recommence ce jeu de questions. Mais cette fois, avec René Martel. Des questions tout aussi intelligentes qu'avec Cathy Gauthier. René, quand as-tu cuisiné pour la dernière fois? Hier soir au souper. René, quand t'es-tu blessé pour la dernière fois? Hier soir, à l'orteil. René, quand as-tu lu un livre pour la dernière fois? Bon, je ne vous lis même pas la réponse. C'est sûrement hier soir, ça devait être un livre de recettes pour préparer son souper et elle a dû se l'échapper sur le gros orteil par erreur. Bon, c'est tout pour cette méga chronique sur la revue Séjour. Je vous encourage à aller l'acheter au plus vite. C'est trop passionnant comme revue. On ne peut pas s'en passer. Si j'avais 5$ à gaspiller et que j'avais à choisir entre le donner à la guignolée pour aider les gens, m'acheter 5$ de gratteux ou m'acheter un 7 jours, croyez-moi, c'est le séjour que je choisis. Yeah, baby! Pour ceux que j'ai pas réussi à convaincre, je dirais aussi, pour vous achever, qu'il y a une page complète de mots mystères à la fin. Et l'artiste au milieu du mot mystère, c'est Isabelle Blais. C'est le premier mot horizontal. Et le premier mot vertical est « image » avec un « s ». Ça part toujours mieux quand on a les deux mots du bord. Convaincu maintenant? Donc, on part en musique pendant que j'efface ce fichier de mon ordi. La demande spéciale de Martin. I knew you're too coming me out with a cowboy's bumper. J'ai pas pu résister. J'ai ouvert une autre des revues, Le Dernière Heure. Eh bien, je me suis brûlé la rétine dès les premières pages. C'est beaucoup plus intense que dans Le Séjour. Ça niaise pas dans Le Dernière Heure. Dès le début, on apprend que Roxy Sykes, une ancienne agente immobilière britannique, fait maintenant 180 000 $ par an en vendant ses vieux bassables. Et oui, elle fait plein de photos de ses pieds qu'elle met sur Instagram, et il y a plein de fétichistes des pieds qui se battent pour lui acheter ses bas sales. Pour ceux que ça excite, elle vend ses bas 30 $ la paire. Bon, je suis un petit peu gêné et je veux surtout pas lui faire de compétition, mais s'il y a des intéressés, je suis sur le bord de jeter des bas de laine d'alpaga qui sont troués. Je les laisse partir à 3$, shipping inclus. Je peux cracher dedans pour un supplément de 1 $ de plus. Sans blague, Le Dernier Heure semble vraiment plus intéressant et semble aller chercher des sujets pas mal plus idiots. Par exemple, il y a un long texte d'une femme qui veut avoir des enfants avec un esprit. Il parle aussi d'une nouvelle mode chez les stars, se colorier les dents. Ou se colorier les dents. Fini les belles dents blanches, la mode est d'avoir des couleurs vives. Incroyable. Aussi, un article sur la Joconde. En gros titre, « La Joconde est-elle malade? » Ils analysent la toile en nous disant que vu qu'elle a pas de sourcils et manque de cheveux, que cette femme qui posait pour Léonard de Vinci avait sûrement des problèmes de glandes thyroïdes. Son teint jaune, lui, serait dû à une hyperthyroïdie. Les petites poches sous les yeux seraient des dépôts de lipides, donc cela indique des problèmes de cholestérol. Et ça continue comme ça. Il lui trouve plein de bobos, c'est incroyable ce qu'on peut inventer. Vite à la page suivante pour apprendre qu'une étude sud-coréenne a conclu que dormir avec des bas ferait gagner 32 minutes de sommeil. Bon, je sais pas eux, mais moi, enlever mes bas avant de me coucher me prend pas mal moins que 32 minutes. Je sais pas comment ils gagnent 32 minutes. Attendez, je vais lire. Bon, le texte qui suit ce gros titre part sur un autre sujet. Ils nous lancent ça comme ça, sans référence, sans plus. Ils affirment ça comme ça. J'imagine que c'est à nous de s'inventer la façon de gagner 32 minutes de sommeil en gardant nos bas pour dormir. Pour les couples mariés, c'est simple. C'est un peu comme ceux qui portent des bas blancs dans des sandales. C'est pas trop excitant. Donc, c'est sûr que si tu dors en bas tous les soirs, tu risques pas trop de faire autre chose que dormir dans ton lit. Le gain de temps doit être là. Mais bon, est-ce que vous vous attendiez vraiment à ce que la revue Dernière Heure cite l'étude sur laquelle ils se basent pour annoncer ça? Non. Alors, passons. Une autre phrase que la revue nous lance comme ça. Selon l'Université de Rochester, les personnes dotées d'une intelligence supérieure sont plus à même de jurer, manger des plats épicés et marcher nus chez elles. Voilà, c'est dit. Et si j'étais méchant, je rajouterais « Les personnes dotées d'une intelligence supérieure ne devraient pas lire ce genre de revue. » Mais bon, avouez que c'est quand même divertissant. Fini pour cette super chronique, où je viens de réaliser que les trois revues, 7 jours, Dernière Heure et Éco Vedette, sont toutes des revues de la grande famille TVA, Vidéotron, Pelado. Voilà, peu importe votre choix, votre 5$ terminera dans les poches à ce bon et grand Pelado. Yeah, baby! Et sachez-le, je ne vous en voudrais pas si vous achetez ce genre de revue. C'est quand même amusant à lire. Voilà, c'est déjà tout pour cette semaine, pour cet épisode 23.0 du Lobster. Je vous invite à m'envoyer vos demandes spéciales dans Facebook. Et on se laisse sur une chanson de Crampes en Mars qui vont bientôt redémarrer une tournée pour représenter des chansons de leurs vieux albums. Et aussi une chanson de Buckethead, une chanson que j'aime bien, mais qui est un petit peu longue. Donc, bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine. Les biscuits sont trop hauts, petit mais pratique. Mioum, mioum, mioum, mioum, Blanche-Neige est aux oiseaux. Les nains sont chanceux. Après une bière, ils sont déjà bien chauds. Encore plus chanceux, ils gagnent toujours les concours de limbo. Tatou, t'es où, tatou? Où c'était tatou, t'es plus dans l'île fantastique. Tatou, tatou, on t'aime tatou. Tatou, t'es où tatou? Where are you tatou? Tu t'es enlevé la vie, t'as sauté en bas de ton lit. J'ai acheté un nain. gars du Pet Shop m'a fait un spécial. En plus de mon nez, il m'a donné de la moule et puis une balle. Nanisme, nom masculin désignant l'infirmité des nains, d'origine génétique, métabolique ou endocrinienne. Mon nain veut pas payer mon compte d'hydro, il aime mieux jouer au bingo, c'est un indien. Les nains aiment bien aller dans les monastères, parce que dans les monastères, ça parle tout bas. Valson! Ma sœur les collectionne, elle les a presque toutes. Il manque juste le petit nain qui joue du banjo. Ah, même celui qui change de couleur dans l'eau, puis celui qui vient avec un petit Winnebago. Un nain, c'est si petit, y en a qui disent qu'ils sont hauts comme trois pommes, mais j'ai mesuré, ils sont hauts comme deux pommes pis un kiwi. Recette de nain. Badigeonner le nain avec du beurre, puis placez-le au four pour une demi-heure. Une bonne sauce au porto avec du persil. Mais si vous entendez un cri, ben c'est parce qu'il est pas cuit. Je n'ai plus de nain depuis que je l'ai prêté à mon oncle Chose. Il a pas été fin. Le fait fumer jusqu'à temps qu'il explose. A fallu nettoyer avec la hausse. Thank you. Bye.